C'est le rap de méchant, le rap de scélérat. Les mecs qui badinent pas, au micro ne blague pas. Un de t'es choqué, le bitch m'en vais croquer. C'était ils veulent se troquer, ils en deviennent des traqués. J'suis au bouffon que le rap je vais le maquer. Je vais le niquer comme une tasse que je viens de me baiser. Je garde la sorte, j'y sors ton escorte. J'ai à tes potes que je me fuck avec ou sans capote. Des capotes hard top, j'réhausse le hip hop. J'ai vibré les folles ainsi que les têtes de l'inox. C'est clair et précis, 20ème persévère. Mec à la hauteur, kamikaze et suicidaire. On recouvre le quartier, jouge, on rejoint l'atmosphère. 3, on pète le secteur nique l'affaire. Pita effacer celui qui voudra nous gêner. Wahed, on recouvre le quartier, jouge, on rejoint l'atmosphère. 3, on pète le secteur nique l'affaire. Pita effacer celui qui voudra nous gêner. 1. Corruptible featuring Gentes. Gelmi, dis-leur de quelle manière chez nous ça se passe. Ça se passe comme ça là où la poisse lasse. Tape-toi la tête quand ça va tape. Dans ma main si tu veux là où tu veux tape. Sur les potis qui veulent qu'on se tape. J'm'en bats les couilles des belles tirs, j'veux le polder. Trop de potes décédés sur une bécane, j'veux plus polder. Chez nous, une seule loi c'est l'omerta. Une mafia, on fait la différence entre le hlel et la fia. Génération de beurre et de bas qui bloque. Tous dans un décor glock, sans glock. Clic-clac, on te plaque comme une surprise qui te bloque. Couliage, koun, galik, j'haja. Shot from mock. شوف ما عندك تحجة تحجة تحجة تحجة تحجة تحجة تحجة تحجة واحد on recouvre le quartier. Jouge on rejoint l'atmosphère. 3 on pète le secteur nique l'affaire. Quitte à effacer celui qui voudra nous gêner. واحد on recouvre le quartier. Jouge on rejoint l'atmosphère. 3 on pète le secteur nique l'affaire. Quitte à effacer celui qui voudra nous gêner. Là où les sœurs ont coulé, les cercueils, les deuils, les poulets. Les arabes, les peules, les sacs à couler. Les gueules, les gilets pare-balles, les guns. Les jeunes saoulés, le feu, le feu dans les semelles cagoulées. Les duels dans les ruelles, les pulets. Rahba au boule huilé. Enculé, HL, HL. Les Jael, les filles belles avec du carol, ça me fait hurler. Quand on dû les GM, les semaines en tôle, les écroulées. Les années qui s'écoulent sans se tracer les veines, sans s'écrouler. Les Zbul, les Nesbi, les ML, les Tahan, le mauvais œil, les Sakran, la résine, le foie troué. Du 20ème au Sahel, tout s'achète à Jael. L'enfant du bled, le but final c'est de Shahed. Ça crie à l'aide, trop de je vous braque dans la foulée. On barade, mon style est bad, tu peux l'avouer. Wahed, on recouvre le quartier. Jouge, on rejoint l'atmosphère. 3, on pète le secteur nique l'affaire. Quitte à effacer celui qui voudra nous gêner. Wahed, on recouvre le quartier. Jouge, on rejoint l'atmosphère. 3, on pète le secteur nique l'affaire. Quitte à effacer celui qui voudra nous gêner. Minuit, premier freestyle avec les chiens de Tess. Faites du bruit pour tous les quartiers et les tests. Uzi à mes côtés, faut pas le test. Un cas c'est comme le DAS, Belek, faut prendre le test. Roule, mais fais gaffe au barrage. Cool, les baffes font des rapages. On déboule, boule, comme un vrai carnage. Bouge ton boule, on vient pour tourner la page. Du RAP, de la funk et même de la soul. T'as qu'à stopper si vraiment ça te saoule. Danse avec les loups, les rats et les rapaces. Si t'as pas pris rendez-vous, faudra que tu repasses. On lâche une bonne dizaine pour tous ceux qui ont la vingtaine. Ma rue c'est le 20ème et la famille ma fontaine. Nos textes sont comme des fables, plus durs que la fontaine. Nos vies sont très instables jusqu'à la trentaine. Wahed, on recouvre le quartier. Jouge, on rejoint l'atmosphère. 3, on pète le secteur nique l'affaire. Quitte à effacer celui qui voudra nous gêner. Wahed, on recouvre le quartier. Jouge, on rejoint l'atmosphère. 3, on pète le secteur nique l'affaire. Quitte à effacer celui qui voudra nous gêner. Des fois tu marches, ton part en sucette, c'est sec. T'es mal là où on a poussé, abusé, en but et poussé. On est des cris suspects. Là où le beat au pouce, malgré blessure, les sœurs et les darons poussent des poussettes. Un respect. Cette vie résume un triste sort, un triste temps. Peu de plaisir, ici dans un état raciste. Où ils nous font manger les restes d'assiettes du système. Ils nous voient être danger, mais on a le vice 20, alors vise bien. C'est BZF, car les parents veulent à nos racines. Nous cime, on reste sur le reste massif. Apprendre à marcher parmi haine, joie, spin et peine. Les bourgeois, les pites et les requins les plus scred. Mais on se crède, on reste moustique du bled. Dans le style blesse, un cas pire qu'Awan. Nos jeunes gênent les gens, on va prendre l'argent des tsars. Wahed, on recouvre le quartier. Jouge, on rejoint l'atmosphère. 3, on pète le secteur nique l'affaire. Quitte à effacer celui qui voudra nous gêner. Wahed, on recouvre le quartier. Jouge, on rejoint l'atmosphère. 3, on pète le secteur nique l'affaire. Quitte à effacer celui qui voudra nous gêner. On

3, on repète le secteur nique l'affaire. Putain effacé celui qui voudra nous gêner. Ouais, on recouvre le quartier. Jouge, on rechaud l'atmosphère. 3, on repète le secteur nique l'affaire. Putain effacé celui qui voudra nous gêner. Eurobar, son système, bout du bonton assise là. Grosse barre, sous somme, mamzelle reste pas assise là. Y'a des schlags, des crevetons qui te les riderait pour des rises là. On se la fait à l'ancienne, tonton, tête à tête, on y va. Ça se termine, pénalty dans le crâne, coup de genou comme Silva. Wesh mon vieux, suce freestyle, vas-y garde la santé. OMIC, séquence spéciale, tu peux pas tester. Comme à l'accoutumée, c'est le gremet qui te la met. OMG, toujours armé, tu ferais mieux t'alarmer. Avec des paroles fanées, ripées, claquées, rincées. Barre ta gueule d'hypocrite, ça m'a déjà braqué, escroqué. Ok, va te rater, comme Tony c'est ok. Arrête de croire que t'es OP, PD, t'as pas d'identité. Regarde comment t'es galbé, victime fashion trafiqué. En soirée VIP, victime fashion relooké, relooké. On recouvre le quartier. Jouge, on rechaud l'atmosphère. 3, on repète le secteur nique l'affaire. Quitte à effacer celui qui voudra nous gêner. Ouais, on recouvre le quartier. Jouge, on rechaud l'atmosphère. 3, on pète le secteur nique l'affaire. Quitte à effacer celui qui voudra nous gêner.